sous un pont dans les appels à l'aide. C'est le diable qui nous répond. Alors on plaide coupable même dans l'innocence. La justice est Stevie Wonder mais avec plus de puissance. On veut m'inciter dans l'illicite car j'ai cité que 2006 Lorenz défonce tout sans pitié. Menace vocale devenue la cible des sales gueules. C'est dangereux que Lorenzo fasse un single. On craint le pire vu que l'écran je les ai. La gloire entre les mains c'est la pitié que j'ai laissée. J'suis entouré de traîtres, de jalousie et de vendus. Hey, amis X-Men, remets la rafale, ils l'ont mal entendu. Mais t'aimes ou t'aimes pas, il faut que je frappe dans tous les tympans. Ok, j'suis pas pris au sérieux, j'en veux à personne. On préfère que je sois la cible comme l'affaire Jackson. Mais là c'est ma voix qui résonne dans les enceintes. Trop dur pour toi, c'est comme voir Clara Morgan jouer la scène. J'ai pas de flingue caché sous ma veste, mais reste. Attends la suite et tu verras que tout n'est qu'un test. Le geste, toujours le même, le troisième doigt qui se lève. Gênant comme l'infidélité qui se lie au bout des lèvres. J'préfère m'écarter de tous ces gens que je vexe. M'écarter comme les jambes en chaleur de mon ex. Je dois tout briser avant de pouvoir me casser. Bien que la mort qui prend en sorte qu'on parle de moi au passé. Sexual hunt pour tous les frères et sœurs qui lèvent les mains en l'air. Sexual hunt, on a choisi la parole en guise de revolver. Sexual hunt qui représente tous les quartiers de France en guerre. Sexual hunt, Lorenzo, la rafale pour les frères. On évolue car la vie nous apprend à vivre. On veut en savoir plus, c'est pour ça que je m'instruis dans les livres. J'incite à rien, ni à la haine, ni à la violence. J'insiste, j'incite ni à la peine, ni à la délinquance. Je suis pas là pour ça, je m'invente aucune vie. Je trouve qu'il y a trop de mythos et de faux caïds, c'est mon avis. Mais bon, pas là pour juger, je constate. Et si la jalousie ne veut pas chuter d'après les stats, c'est pas elle qui me gêne, plutôt ce que j'ai dans les gènes. Je trouve que je suis trop jalousé, pas assez aimé depuis que je suis jeune. Mais je vis avec, car c'est bon signe. Alors j'infecte toutes les ondes en attendant qu'on signe. Sexual Hunter, version non censurée des blocs. Aussi miraculeux que voir la Vierge Marie en cloque. J'envoie ma voix, mes rimes, mon flow front. Croyez-moi frérot, seulement je dormais trop profond. J'ai les crocs, dis-leur que je vais pas m'arrêter ici. Dis-leur que la rafale va être égale à leur missile. Sexual Hunt, mélange d'un fusil de chasse et d'un pompe. Mélange vocal d'une voix aiguë, d'une bombe. L'album en provenance de Marseille, dédié à tous les quartiers, victimes de ceux qui nous harcèlent. Un conseil, on perd trop de temps à s'entretuer. La réussite, ils veulent qu'on la fasse court dans la durée. Sexual Hunt pour tous les frères et sœurs qui lèvent les mains en l'air. Sexual Hunt, on a choisi la parole en guise de revolver. Sexual Hunt qui représente tous les quartiers de France en guerre. Sexual Hunt, Lorenzo, la rafale pour les frères. Ok, je te persécute avec un troisième couplet. Ok, ça devient plus meurtrier qu'un tir groupé. Mais je crains les balles, tu es juste un homme, pas de cric cric bam. C'est Lorenzo, toi t'ouvres le feu, que moi j'ouvre le bal. C'est la rafale, dangereux dans l'hexagone. À croire qu'ils ont sauté quelques passages dans les droites. Là mon homme, ma main Rocco Lorenzo Sopra. Dis-leur que je t'ai l'actrice, c'est l'arrivage du vaisseau d'un berceau. Moi j'étais plus blanc que neige, tout a changé. Depuis que les sept nains ont violé blanche neige. Les cierges, on les rallume comme la flamme olympique. Ils crament ma religion pour plus de chiffres en politique. Ranger les armes et les crics, c'est la rafale qui te parle, qui te parle. Dans un pays on est bon qu'à toucher le SMIC. Vu des blocs, la première balle est dans les bacs. En attendant que mon album sur Skyrock crée son impact.